LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Pour moi, c'était vraiment, si je rappelle bien, c'était vraiment l'idée de vivre une vie libre entre femmes et entre lesbiennes. Et j'avais l'impression que à Bremen, par exemple, on a squatté cette maison et c'était pas vraiment. J'avais l'impression il y a tellement de trucs autour de nous que je voulais plus. Et là, j'avais marre de toujours avoir une réaction sur des choses. Et là, c'était un moment dont j'ai pensé, maintenant, il faut commencer pour nous, faire comme nous en veut. Et donc, vous vous retrouvez une dizaine de femmes dans le sud de la France. Est-ce que tu te souviens de comment vous arrivez quand même là sur cette terre qui deviendra la communauté de Bouichette? Oui, on se disait, on va se rencontrer dans quelques jours dans les montagnes. Là où on pensait, on a eu une carte et on pensait, bon, là c'est une bonne région. Et on a fait la rencontre 3 jours après pour se raconter qu'est-ce qu'on a trouvé. Et c'était pas moi et ma copine, mais une autre femme qui nous a raconté là, voilà, j'ai trouvé quelque chose de très très beau. Et nous et ma copine, on était juste à côté, mais on n'avait pas trouvé cette maison. Alors on est toutes reparties avec l'autostop et on est marché. C'était, oh, il faisait chaud, je rappelle, et c'était vraiment très loin à marcher. Et on est arrivé à cet endroit avec le vue dans toutes les régions et c'était vraiment un sentiment. Là, c'est là. On peut rester ici, c'est à nous ici. L'histoire manquante. Sortir les lesbiennes du placard. Une terre à soi. Un documentaire de Clémence Alzard et Soumanina. Je pense que les premières choses qu'on a fait, c'était installer les lits. C'est important. Oui, et il y avait deux de nous qui ont commencé avec un jardin déjà. Et ça, c'était pas du tout une bonne idée parce que la terre, là, c'est vraiment c'est pour faire des pots, mais c'est pas pour faire des jardins. C'est vraiment dur et oui. Et là, on a commencé à réparer des fenêtres, oui. Et c'était, en fait, c'était tout de suite, on avait trouvé un peu d'outils et on a commencé tout de suite de s'installer. C'était vraiment le moment pour moi, je rappelle très très bien le sentiment que j'avais l'impression, ici c'est vraiment nous. Il n'y a pas des hommes qui nous dérangent, qui nous disent, ah il faut faire comme ça, ou non, tu peux pas, tu n'as pas assez de force et tout ça. Et c'était vraiment le ciel. Été 74, I'm a lesbian, how about you? Des Flying Lesbians, mythique groupe lesbien allemand, résonne au légendaire camp de femmes de l'île danoise de Fémo. Elles sont des milliers de fières amazones à chanter avec elles. Le camp de Fémo est une rencontre estivale, comme l'a été pendant 40 ans le fameux Michigan Women's Music Festival, dans les bois cette fois, aux États-Unis. Festival également tristement célèbre pour son exclusion d'une femme trans en 1991 et pour cette expression « women only », désormais trop souvent usée à des fins transphobes. Ces espaces naissent à mesure que le mouvement lesbien s'autonomise et qu'aux États-Unis, un mouvement séparatiste s'organise plus franchement encore. Certaines quittent la ville. Des terres de femmes éclosent un peu partout dans le monde occidental. Les deux barques noires s'approchent l'une de l'autre, porteuses d'un signe violet identique. L'eau de la mer est plate. Une lumière s'y fait bleue et dorée. Évidemment, Wittig est dans mes pensées quand je foule pour la première fois le sol de Bouichette, elle qui nous invite à chercher des îles sociales, culturelles, pour que puissent advenir des textes lesbiens. Quand elle écrit le corps lesbien, son jeu, J-E scindé en deux, et la marque, l'indice, je cite, de cette expérience vécue déchirante qu'est mon écriture, de cette coupure en deux à travers l'écriture, à travers l'exercice d'un langage qui ne me constitue pas comme sujet. Je prends peur tout à coup. Je tente de te repousser. Je m'appuie du plat de mes mains au bord de ma barque. Tu parles de leur mouvement. Tu parles de leur température. Tu essaies à ce point d'arracher mes reins. Ils te résistent. Tu touches ma vésicule verte. Je me morfonds. Je me plains. Je tombe dans un gouffre. Ma tête. Il faut mettre en mots le corps lesbien. Lui donner réalité. Mais comment le faire advenir dans le langage de l'oppresseur ? Wittig invente, déconstruit, reconstruit. C'est une grammaire, une sémantique à soi. Tu parles de la couleur de mes organes. Je ne peux pas les voir. J'entends ta voix siffler dans mes oreilles. Je me concentre pour t'écouter. Je me vois étendue. Toutes mes entrailles sont déroulées. J'ouvre la bouche pour chanter une cantate à la déesse ma mère. Par cet effort, le cœur me faut. Emmanuel, j'ouvre la bouche, je reçois ta langue, tes lèvres, Mutsi, ton palais. Mayana, par toi, monstre adoré, je Céleste, me mets à mourir tandis que tu Do, ne cesses pas de crier autour et toutes de les autres. Oreilles. Aujourd'hui, c'est elles, leur corps, leurs mots qui occupent mes pensées. Sur cette terre-là peut advenir la nouveauté, des existences lesbiennes. Je suis restée, je pense, 5 ans. Peut-être au commencement, c'était pas facile pour nous à trouver des gens autour, parce qu'il y avait beaucoup de communautés, une barrière quand même, parce que nous, on était que des filles à la ville. On nous appelait les filles. Et les vieux pensaient que nous sommes une secte. Parce qu'elles comprenaient pas du tout pourquoi on est là, que des filles. Mais ils n'ont pas pensé que c'était juste une communauté lesbienne. Non, je pense ce mot lesbienne, c'était pas. On n'a jamais dit ça. Vous vouliez fonder une terre de femmes ou une terre lesbienne? Terre lesbienne. Oui, c'était pas de question. Parce que je pense les femmes normaux, elles ne vont pas vivre comme nous. Normaux. Mais... oui. Hétéro, oui. Maggie, est-ce que, selon toi, vous étiez sur cette question des terres par rapport aux Françaises, pionnières ? Peut-être par rapport aux Françaises, oui, mais une terre comme ça existait avant, déjà à Danemark. Et là, moi j'ai visité Danemark un an avant, et aussi là, j'étais vraiment fascinée et j'ai pensé, ah oui, c'est ça. Il faut faire ça, quelque chose comme ça. Oui. Kvindeland, c'était... On vivait là. Oui. Kvinde, ça veut dire femme. Mayana. Et landette, land. Terre. Et c'était une ferme achetée avec du terrain par 5 ou 6 femmes de Danemark et sont ouvertes pour les femmes. Mais c'était bien inspiré par les terres de femmes en Amérique. Amérique du Nord. Amérique du Nord, ouais. C'était les débuts de 70, 80. En fait, c'était un grand envie d'être ensemble entre femmes, ouais, sans hommes. Et voilà. C'était tout. Entre femmes ou entre lesbiennes ? Entre femmes. Entre femmes. Mais ça vivait surtout entre des lesbiennes. Avec mais s'il y avait des femmes hétéro, ça posait aucun problème. Mais tant que c'est des femmes, ça c'était le plus important. Et après ça, en France, il y avait d'autres lieux où il y avait des femmes qui vivaient. Regarde, il y avait Douach, là où il y avait Tchai. Et on était vraiment coupés du monde, on va dire. Mais les femmes sont venues de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Amérique, d'Angleterre et Danemark, Allemagne beaucoup. Suisse. Et je ne sais pas, alors, on sait même pas comment c'est possible. Mais c'est, ouais, mais c'est parce qu'elles voyageaient qu'elles entendaient parler du lieu, c'est ça? Parce qu'on était dans un réseau. Ce sont les lesbiennes voyageuses. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'était les lesbiennes voyageuses. C'était oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui. Donc on avait une espèce de réseau arachnéen. Les routes étaient tracées sur aucune carte, mais nous on savait quoi. Il y avait quelques femmes aussi qui sont descendues d'Europe du Nord à cheval, qui se sont arrêtées dans différents lieux. Il y avait beaucoup d'échanges entre nous. Moi, je dois dire que quand je suis arrivée, enfin, quand on a commencé à faire notre expérience, moi, je pensais pas assez longtemps. Mais j'étais persuadée que très rapidement, il y aurait un chapelet de terres lesbiennes et que j'irais d'un endroit à un autre. Parce que j'écrivais à l'époque, je chantais aussi et je me voyais bien jouer un peu le pâtre, la troubadour, aller d'un lieu à l'autre. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, ce mouvement des terres de femmes, il s'agit d'inventer autre chose parce que dans le cadre de ces luttes pour l'indépendance aussi des femmes, c'était pas possible de renverser le système. Il fallait se mettre à l'écart pour fabriquer autre chose. Oui, je pense que certaines, on aurait pu être tenté par des actes plus violents, hein, plus terroristes même, hein. Puisque aussi à l'époque il y avait quand même un très large mouvement par rapport au viol. J'ai moi-même été violée à peine 18 ans, avant mes 18 ans. Et c'est vrai que jusqu'à 25 ans, j'étais quand même dans une très très très très grande colère par rapport aux hommes et par rapport à la façon dont ils s'appropriaient tout et dont ils considéraient tout comme étant leur chose et leur propriété. Donc il y avait effectivement dans notre mouvement, il y avait aussi cette partie-là, hein, cette partie de colère, de haine, il y avait un slogan en Catalogne qui était violatio castratio, donc violation, viol, castration. Ouais, c'était l'époque aussi de Valérie Solanas, c'était avec le SCUM, Society for the Catap Mem. Bon, voilà, donc c'est vrai que c'était des choses qui nous parlaient beaucoup. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'était davantage des lesbiennes qui ont fondé ces terres ou était dans cette recherche de construire une utopie concrète, un ailleurs? Pourquoi est-ce que c'était des lesbiennes selon toi? Parce qu'on pouvait pas être quand on voulait être on pouvait pas se tenir la main ou faire des bisous. Ouais, on voulait. On voulait être comme on était. Et ça, ici, on pouvait. Et aussi, on pouvait être nus. On était souvent totalement nus, même sur le plateau. Hein. On se sentait libre. C'était une liberté énorme parce que là, on pouvait être comme. Moi, je pouvais être comme j'étais. Et c'était pour tout le monde le même. Ouais. On pouvait s'exprimer librement et être folle comme on voulait. Et ouais. C'était aussi d'être dans la nature, rentrer dans la spiritualité. On s'occupait beaucoup d'astrologie. Ça arrivait qu'on se rappelait plutôt le signe que le nom, avec tous ces noms compliqués. Mon vrai nom, c'est Ursule, et je n'aimais pas, et quand j'étais petite, déjà, c'était devenu Maggie, et là, j'avais pas besoin de rechanger encore une fois. Et est-ce que tu te souviens des noms que les autres choisissaient? Oui, c'était par exemple ma copine qui s'appelle Kima maintenant, et à l'époque, c'était Andrea. Et on était beaucoup dans ce trip de ésotérique. On avait un truc rond avec des lettres et avec une pierre, on a trouvé beaucoup de choses comme ça. Vous avez donc des cercles. Oui. Un côté un peu sorcière. Oui. Aussi ça. Oui. Et c'était marrant parce que on nous a offri des poules, 4 poules, et on les a donné notre nom d'avant. Il y avait le poule Ursula et le poule André. Et c'était aussi un peu symbolique pour dire maintenant c'est fini avec Ursula et Andrea. Moi, mon nom de renommation, si on peut dire, c'est Chai. Donc ça s'écrit Xai. C'est un nom d'origine catalane qui veut dire petit mouton parce que je suis très bouclée. Et que donc, j'avais 18 ans à l'époque, hein, donc voilà, Chai, j'étais Chai, et puis je suis restée Chai. C'est le nom par lequel on m'appelle, évidemment pas au travail, mais mes amis continuent à m'appeler comme ça. Voilà. Et Chai, tu nous as sorti quelques objets. Ça, c'est un pantalon que j'avais justement à l'époque où j'étais femme voyageuse, j'avais pas grand chose, mais j'avais ce pantalon que j'ai rapiécé, etc. quoi. Et je l'ai toujours gardé comme une espèce de relique. Donc voilà, donc ça date de cette époque-là. Et puis ensuite, j'ai effectivement des objets qui sont plus des objets de travail, puisque ensuite j'ai contribué à monter donc une communauté lesbienne dans les Pyrénées. Dans laquelle j'ai vécu pendant une vingtaine d'années. Donc là, j'ai des outils, effectivement. J'ai un vieux sécateur avec sa protection et puis la ceinture. J'ai une scie arboricole. J'ai des gants en cuir. J'ai aussi un vieux marteau. Puis j'ai aussi un cahier que j'ai retrouvé tout à l'heure et où j'ai retrouvé des plans de chantier pour faire l'électricité. C'était assez... voilà, donc tout ça, c'est travail à faire rapidement, scellement, dernière poutre, plus raccord, etc., etc. Voilà. Tu savais faire tout ça en arrivant dans les Pyrénées ? Ah non, je savais pas faire tout ça, non, je savais pas du tout faire tout ça, parce que j'ai appris un peu de maçonnerie, un peu d'électricité, un peu de plomberie, un peu de charpente, un peu de menuiserie. Voilà, et puis ensuite, il fallait retaper, on a retapé, quoi. Très très longtemps, quand même, il faut bien se dire, aujourd'hui, on est dans cette vague écoféministe. Mais il faut quand même se rappeler que pendant très très longtemps, pour les femmes, et même pour les lesbiennes, la terre c'était synonyme d'oppression. Hein, elles avaient quitté leur mère ou elles-mêmes avaient quitté les fermes pour s'autonomiser, et l'autonomie elle était en ville, elle n'était pas à la campagne. Hein. Nous on faisait figure un peu de barjot. Elles ne voyaient pas le politique dans le fait de monter un mur, de s'autonomiser dans toutes ces choses-là. De travailler aussi avec les plantes, avec aussi l'alimentation, réfléchir végétarisme, pas végétarisme. Pendant longtemps, moi j'ai été végétarienne, et puis le jour où j'ai recommencé à manger de la viande, j'ai tué un poulet. Voilà, je veux dire que c'était le truc, ok je mange de la viande, mais je suis capable de tuer l'animal que je vais manger. On tuait le cochon, bon, voilà. C'était des gestes qui étaient raccords. Est-ce que vous pensez aussi ces communautés comme des refuges où on se met à l'abri ? Probablement que c'était un refuge. Mais pour ma part, c'était plus un lieu d'expérimentation qu'un refuge. Et par exemple, par rapport au métier qu'on disait masculin du bâtiment, on a essayé de trouver d'autres solutions que des solutions de force pure. Pour monter des poutres énormes, pour trimballer des pierres, pour voilà, on a essayé de, on était plus dans la collaboration et la coopération que l'utilisation de la force pure, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'était intéressant de chercher de ce côté-là et de se rendre compte que même une freluquette, elle pouvait avec un levier, hein, une un truc tout bête, une corde, hein, monter une poutre en chêne de 5 mètres de long qui faisait 350 kilos. Voilà, que c'était pas, il y avait pas besoin de force pour ça. Il y avait juste besoin d'habileté. On était aussi assez branchés astrologie et tarot. C'était aussi une façon de se connaître qui n'était pas du tout rationnelle. Mais on avait un côté très anti-rationnel. La rationalité, c'était l'invention de la ligne. Et la ligne, c'est le fil de fer barbelé, c'est la route romaine qui coupe, qui respecte pas les... Enfin, c'est la colonisation, c'est tout ça, quoi. On réfléchissait beaucoup. On était en quête de système qui nous semblerait plus cohérent et plus respectueux des êtres humains et des êtres vivants dans toute leur diversité. Il y avait quelque chose de très holistique avant que le terme ne soit répandu. On cherchait vraiment. Et on s'est inspiré, bien évidemment, de quelqu'un comme Monique Wittig. On lisait beaucoup de science-fiction aussi, Ursula Le Guin, par exemple. Je ne sais pas si tu connais Ursula Le Guin, mais elle a inventé des univers qui sont assez fantastiques, quoi. John Barley, enfin des gens comme ça. Elisabeth Lynn, enfin des Françoise de Beaune. Il paraît qu'elle était lesbophobe, j'en sais rien, mais n'empêche que bon, les bergères de l'apocalypse, c'est quand même pas mal. On cherchait vraiment, quoi. Évidemment que Wittig... Mais l'ostracisation de Wittig, elle est typique de l'ostracisation que nous avons aussi vécue. Hein, c'est de la même veine, c'est de la même nature, quoi. Les militants féministes ne voyaient pas le politique dans ce que nous faisions, alors que pour nous, ce qu'on faisait était mais totalement politique, quoi. Je veux dire, on inventait la vie, vraiment, quoi. Donc après, il y a quand même d'autres femmes qui entendent parler de cette communauté, qui viennent, qui s'installent. Oui, en fait, c'était comme ça que après le premier hiver, et c'était un hiver très dur, il n'y avait pas de la neige, mais il pleuvait tout le temps. Et on n'avait pas vraiment, il faisait pas chaud, le poêle fumait tout le temps. C'était pas vraiment très facile à rester. Et là, après l'hiver très long, il y avait, je pense, il y avait deux ou trois. En fait, on était restés seulement à trois. Toutes les autres voulaient partir, c'était trop dur, c'était trop... Et nous, Kim et moi, on connaissait quelques femmes de Danemark et on savait qu'ils voyagent de temps en temps. Et je pense comme ça, on a retrouvé des femmes et on les a invitées et dire venez, nous avons du place et c'était comme ça. Et je pense Mutsi et Mayana, c'était une des premières qui sont venues et qui aussi voulaient rester. Oui. Je suis arrivée l'année 82. En mai. Et quand on est arrivé, pour Mutsi, c'était clair. Waouh, je suis chez moi, je ne dois pas retourner en Australie. Mais moi, j'étais un peu comme waouh, où je suis sans eau, sans électricité, oh là là, comment vais-je faire? Et bon, on s'habitue assez vite. Et. On était parti chez ma famille aux Pays-Bas. Avec Mutsi. Avec Mutsi. Et c'était pour. On avait pensé un mois et demi. Mais à cette période-là, il y avait le feu à côté. Et du coup, on ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait pas assez de la place pour rester en hiver. Alors, du coup, on était. Rester jusqu'au printemps. On pouvait être dans un squat à Amsterdam, squat des femmes. Et là, quand on était revenu, là, j'ai tout de suite senti, je suis chez moi, là. C'était super fort ce sentiment. Et en fait, c'est jamais reparti. J'ai toujours gardé ce sentiment, même... après 9 ans, j'étais partie à cause que Mutsi tombait amoureuse d'une autre femme. J'avais une relation avec une autre femme au même temps. Et les deux sont tombées amoureuses d'autres femmes. Alors, je ne pouvais pas rester ici. Il y avait 5 femmes qui habitaient ici. Et tout le monde était, à cette époque, tombé amoureuse. Et moi, j'avais perdu, alors je ne pouvais pas rester là. Parce que tu as construit toi aussi ici. Par exemple, là, l'endroit où on est, qui est maintenant ta maison, mais qui a été aussi la pièce de vie commune avant. Oui. Est-ce que toi, tu as participé à sa construction? C'était déjà construit, la maison, mais j'ai construit une cabane. Une des cabanes, la cabane en bas, que tu connais. La cabane de Céleste. Oui. Ouais, on dit toujours encore la cabane en bas, je ne sais pas. Mais bon, et on a donné des noms pour éviter, en fait, de dire qu'une cabane, c'est à une personne. Mais bon, maintenant, on le dit. Hein. Et oui, parce que ça changeait aussi. Et comme ça, il y avait Papillon, Face to West, le bateau, le dragon, Witchy House. Witchy House. Mais pour la cabane en bas, on n'a jamais arrivé à trouver un nom que tout le monde pouvait être d'accord avec. C'était un peu pour un moment le petit bois, mais ça n'a pas tenu. Ou le petit fourré, ou écuireux aussi, on a essayé. Écuireux, c'est pour moi, c'est pas un mot simple. Mais bon. Thérèse, toi, t'as 31 ans et t'arrives à Bouichette en novembre. Qu'est-ce qui t'a amené ici? M'amener un peu la magie, parce que j'ai cherché un peu un endroit sans homme, c'est sûr. Et 3 ans avant, j'ai rencontré Mutsi et elle m'a invité à une fête qu'elle faisait à l'été et à voir cet endroit. Alors je me suis dit, bah, ok, on vient. Et c'était vraiment le moment pour moi de décider que je voulais partir à Barcelone et m'a offert sa cabane. J'ai dit, ouais, voilà. Je suis venue à un refuge là et j'ai trouvé vraiment un lieu où me connecter à moi et à le monde. Et c'est pour ça que j'ai trop envie de faire plus de cabanes, plus des endroits d'habitage. Comme ça, je peux partager. Comme ça, plus de gens peuvent venir et être bien. Mother, I feel you under my feet. Mother, I feel your heartbeat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Mother, I hear you in the river flowing. J'arrive, parce qu'en fait, je chante beaucoup le premier, et là, j'ai même perdu le deuxième, parce que je suis intimidée. Tu sais, est-ce que tu peux m'apprendre, parce que moi, j'en ai cueilli un peu toute seule le ruban, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment bien fait. Alors, en fait, ce qu'on ramasse, c'est la sommité fleurie. Donc, c'est-à-dire la partie du haut avec la fleur. Bah, attends, là, celle-ci, je l'ai ramassée. Donc, voilà. Donc, tu ramasses la fleur. Tu ramasses les. D'abord, tu choisis les plantes quand c'est possible. Hein. Voilà, parce qu'il y a la théorie et il y a la réalité. Mais là, aujourd'hui, c'est super. En fait, c'est toujours début de floraison. Donc, tu prends la plante, tu vois. Alors, là, les fleurs qui sont plus foncées, c'est les boutons. Donc, là, il y a juste un début de floraison. Et ça, c'est toujours l'idéal. C'est vraiment une règle générale quand tu ramasses les plantes. L'idéal, c'est le début de floraison, quand c'est possible. Donc on choisit. Là ils y sont toutes en début de floraison, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et après ça, tu prends à peu près les 10 cm du haut. Et tu prends toujours un peu de feuilles. C'est intéressant quand il y a la synergie entre les feuilles et les fleurs. Donc tu tires. Voilà. Mmh. Et quelquefois, là il est petit, donc on a tout pris. Et là, ce que je sais, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours de te poser la question, et derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la plante, elle continue à vivre? Et surtout, est-ce qu'elle va fleurir? Parce que c'est important que les plantes, elles fleurissent, parce qu'elles vont faire des graines. C'est pour la survie de la population. Alors là, je le ramasse beaucoup, beaucoup pour le sel aux herbes. Hein. C'est une plante qui est beaucoup utilisée en aromatique. Et sinon, après ça, je fais des préparations. Des tisanes contre la toux, tisanes d'hiver, hein. Et c'est un bactéricide très très puissant, l'origan. En général, on utilise un bactéricide très puissant plutôt en huile essentielle, mais c'est pas cet origan-là, c'est un autre origan qui est encore plus fort. Et pourquoi pas pour le plaisir aussi. Qui t'a appris? J'ai beaucoup appris toute seule au départ. Moi, je pensais que les plantes, ça se trouvait dans les pharmacies. Hein. J'étais une citadine, donc j'avais même pas vraiment idée que les plantes, ça se trouvait dans les champs. De toute façon, j'avais pas cette connaissance. Et quand j'ai vu à quel point les pharmaciens n'étaient pas du tout ouverts à m'aider, parce que moi, je posais des questions, j'étais très naïve, et ils me disaient, mais vous êtes sûre de vous, mais c'est dangereux, vous savez, de travailler avec les plantes, il faut pas se tromper. Puis un jour, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'aille les ramasser moi-même. En fait, c'est dans la nature, il faut aller ramasser les plantes. Et j'avais vraiment une fierté de pouvoir faire mes crèmes et mon dentifrice et mon shampoing, c'était incroyable. Et j'ai compris à quel point eh bien, on a été dépossédés de ce savoir, alors qu'à la base, ce savoir, on l'a, on le porte en nous, et surtout nous les femmes. C'était une transmission de femme en femme dans les familles que je n'ai pas eu la chance d'avoir. Et que maintenant, je suis vraiment dans la transmission avec cette idée, mais il faut absolument qu'on se réapproprie ces savoirs. C'est vrai que t'es une sorcière, Mouti, parce que c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on a criminalisé les sorcières? C'était aussi pour leur savoir. En fait, c'est ça qui est assez intéressant quand on lit l'historique avec les plantes médicinales, c'est que c'est une guerre qui date depuis presque toujours. Ce conflit entre la médecine traditionnelle et ces savoir-faire familiaux que l'on peut porter et qui ont toujours été discriminés. Ces plantes de bonne femme. Oui, je me sens sorcière. Et j'adore dire que c'est une sorcière. Et tu connaissais l'histoire de Bouichette, le fait que c'est une terre qui appartient à un réseau plus large de terres de femmes? Je connaissais rien. Je savais que c'était une terre de femmes. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé, écoute, est-ce que les personnes non binaires, elles peuvent venir là? Et alors on a parlé, c'était déjà la conversation, les discours qu'on commençait à discuter là, non? Je suis venue dans le sujet exactement qu'elles avaient déjà commencé à l'été avec les chantiers des personnes non binaires. Mais je ne savais rien de l'histoire. Et quand je suis arrivée, tous m'ont dit, mais oui, tu peux rester, mais parce que le regard qu'ils posent sur moi, c'est des femmes, non? Mais j'ai vraiment lutté de dire, mais non, je suis non-binaire et est-ce que vous voulez que je reste, en fait? Et ça continuait à bouger, mais vraiment avec pas d'urgence, mais avec la réalité de moi d'être ici ou pas. Et moi d'être ici ou pas veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite là, au reste comme 10 ans avant, que rien ne s'est passé. Mais que rien ne s'est passé, non, mais que Mayana était tout seul là. Mm. Alors, c'est est-ce qu'on veut que ça change, ça vive ou pas? Là, il y a comme une sorte de petit fascicule qui s'appelle écoféminisme. Ouais. Ça, c'est une pensée dans laquelle tu te reconnais? Ouais, beaucoup. Ouais. Pourquoi? Mais parce que ça me parle vraiment de l'oppression je peux voir, non, l'oppression que j'ai fait sur la nature, c'est vraiment quelque chose qui s'était fait sur mon corps tant que vous, des femmes, et je me sens il fait beaucoup de sens, toute la théorie de l'écoféminisme, de dire mais ouais, c'est tout le même, en fait on a déchangé tous pour continuer à vivre bien, qu'en fait le patriarcat, mm-hmm. il exerce aussi il détruit aussi la nature. Exactement. La domination des hommes dire, oui. Détruit aussi oui. La nature. Ou alors c'est les mêmes systèmes, le même système, de pouvoir. Oui, et c'est le patriarcat qu'on exerce sous la nature. Oui, c'est pas seulement les hommes, non, comme c'est un rôle qu'on a d'arrêter et de voir comme faire différent. Ouais. Et tu utilises quand même un « nous », les femmes. Tu l'as utilisé là, non? Oui, c'est vrai. Parce que, oui, c'est pas... quand je parle de mon corps, je veux que c'est un corps considéré. Ouais. Oh là là. Ouais. Peut-être que c'est nous les opprimés. Femmes et autres, ouais. Ouais. Donc, il y avait l'idée après qu'on ouvrait une AG extraordinaire. Ouais. C'est ça. Donc, vous avez l'idée, en fait, que... Je ne sais pas quand est-ce que ça... La question de l'article 2 a été... discutée dès le départ, en fait. Bah, dès le voilà. moment où on a fait on a voulu faire un bulletin d'adhésion. Sur l'article 2 qui dit les termes entre femmes cisgenres et hommes mixtes. Quand j'ai vu femme cisgenre, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai cherché le mot sur le dictionnaire, je ne savais même pas ce que c'était qu'une femme cisgenre. Et puis j'étais là, mais pourquoi c'est nécessaire d'écrire femme cisgenre? Femme, ça suffit. Donc déjà, ça a été la première réflexion. Et après, quand on s'est retrouvés entre nous, et je n'étais pas la seule à avoir eu cette remarque. Et donc déjà, avant de réellement valider et voter ces statuts, déjà on a eu une soirée débat sur ce thème cisgenre. Où il y a surtout deux personnes qui nous ont expliqué le pourquoi, l'importance d'écrire cisgenre, et on s'est laissé convaincre. Et puis après, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, ça ne nous va pas du tout, on ne se retrouve pas là-dedans. En fait, c'est plus que on était plusieurs à ressentir le fait qu'on n'était pas à l'aise avec l'inscription dans les statuts de ce terme cisgenre. Et que sur le moment, il y avait une difficulté à formuler une opposition franche. Enfin, on disait, bon, bah, s'il y a des femmes qui se battent pour ça et qui le défendent, allons-y comme ça. Il y avait un truc. Et moi, j'arrivais pas à affirmer le fait que j'étais dérangée, par exemple. On n'était pas assez mûres. Ouais. Tu veux expliquer ce que c'est une femme cisgenre? Une femme cisgenre? C'est, tu es née femme, avec un sexe de femme, tu es considérée socialement comme une femme et tu te considères comme une femme. Tout colle, quoi. Ah oui. C'est ça, une femme cisgenre. Enfin, ça peut. Donc tu peux l'être, pas l'être, le devenir, ça change, quoi. Ah oui, c'est ça, en fait. Non, mais c'est la conclusion. Il y a des jours tu peux adhérer à la foule et des jours tu peux pas adhérer. Mais je suis pas cisgenre, alors. Je suis pas cisgenre, non. Est-ce que tu te genres au féminin quand tu parles de toi? M'attends, mais ça n'empêche rien. De toute façon, je veux dire ce qui se passe. Ce matin, tu dis que tu étais fière d'être une femme. Oui, en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué en même temps, oui, mais c'est vrai, en même temps, je suis fière, comme je suis fière d'être ce que je suis, complètement, dans toute ma différence. Mais oui, en même temps, j'ai été obligée de le revendiquer à un moment donné pour pouvoir avancer dans mon taf ou dans mes trucs, mais je me suis toujours sentie les deux, moi. Attends, je viens, il y en a deux ou trois. Ça fait partie de... Oui, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'entre le début de l'écriture des statuts et cette réunion où on a voulu remettre les... proposer le changement de statut, entre-temps, il y a Tchélessé, qui est une personne non-binaire, qui est venue habiter ici. Donc, quelque part, on était confrontés directement à cette problématique. C'était pas on parle dans le vide en supposant que. C'était une réalité, elle était là. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité, voilà. C'est magique. C'est incroyable. Moi, je trouvais ça incroyable. C'était quand même un peu dur aussi, parce que ça passait pour mon corps. Et c'est passé pour ma possibilité d'habiter où est-ce que je veux habiter. Oui. Alors, c'est... Et des choses que aussi, je peux parler, mais j'ai mon histoire, j'ai mon parcours, et je suis pas toujours super claire qu'est-ce que je suis ça. Mais la logique, ça serait de mettre cette histoire de femme, prolongement, ouverture, je sais pas quoi, en premier, dans la logique chronologique. Ah oui, alors ça peut être dans le prolongement. Dans le prolongement, la continuité. Alors, ça vous va, ça? Ouais. Donc, dans le prolongement. Oui. Il y a terre, il y a femme, il y a tout ce qu'il faut dire. Et on dit terre de femme, c'est... Je mets terre de femme avec un S. Deux femmes. Deux femmes. Femme, je trouve, ça laisse ouvert. Ça inclut tout, au lieu de... De préciser. Oui, voilà. Ouais, pourquoi préciser? Tu vois, faire toute une liste comme ça... Parce que historiquement, c'était ça. Parce qu'ils sont la réalité. C'est pour la réalité de femmes lesbiennes, c'est ce que tu dis. Il y avait c'était pas exclu en vis-à-vis des hétéros, puisque vous les accueillez. Mais votre projet était un projet de femmes et lesbiennes, c'est ça que vous avez vécu. La réalité. Et la réaction des femmes qu'on a eues sur tous les mails qu'il y a eu depuis deux jours, c'est ça. C'est on perd une terre de lesbiennes. Dans le prolongement des terres de femmes lesbiennes permettant l'émancipation de toutes les femmes, l'association a pour but d'expérimenter, de partager, d'échanger des savoirs, des expériences, des actions collectives en non-mixité choisie sans hommes cis. Le tout en lien avec l'écologie, le féminisme et la culture au travers d'expériences passées, présentes et à venir. Moi ça me plaît, moi. C'est beau. Moi ça me plaît. C'est pas mal. Oh, oui. Ouais. Alors, il y avait une femme qui ne s'appelait pas. Alors ici, c'est un peu la jungle. Donc là, on va voir une cabane. Ouais, déjà, il faut que je retrouve le chemin. Je ne suis pas allé assez loin. Non, donc c'est là. Attends, on va voir. Non, non, c'est plus loin. Je suis arrivé à Bouchette dans les années... début 90, je dirais. Do. Ouais, fin 89 ou 90, vraiment début, là, quoi. Et puis, ben, ça a été une super découverte, quoi. Moi, je me suis éclaté, quoi. D'un coup, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, on pouvait se lâcher, quoi. Ici, avant, là, il y avait l'emplacement d'une cabane qui s'appelait Fest West, parce qu'elle était vraiment orientée plein ouest avec une vue... magnifique. Et ça, c'était vraiment une maison, voilà, ouverte avec tout ce côté-là vitré, face à la nature. Et t'avais le lit là-bas au fond, en face, c'était génial. Quand t'étais là le soir, d'abord quand il fait beau l'été, tu pouvais t'installer dehors. Et puis après, ben, tu vois les étoiles, tu vois tout. C'est géant. Et puis là, tu vois la nature, tu voyais des rapaces, un peu plus d'animaux, on voyait, qui circulaient, tu vois, à l'époque que maintenant. On en voit moins, je trouve. Qu'est-ce que tu as trouvé à Bouchette en particulier ? Bah, Bouchette, voilà, c'était un lieu de femme. On pouvait se balader à poil, c'était vraiment, voilà, on était entre nous. Moi, en plus, j'étais vraiment garçon manqué, j'ai commencé par un milieu motard, donc j'étais toujours avec des mecs, quoi. Ça a été un vrai plaisir pour moi. Je dirais, ma première passion, ça a été la moto, vraiment grosse passion. La deuxième passion, ça a été les femmes. Ma deuxième grosse passion, qui m'a détourné un peu de la première, voilà, si je suis honnête, j'y résume un peu, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est génial. Ça m'a permis aussi la rencontre des femmes d'eux, justement. Je savais que moi j'avais les deux personnalités, mais j'étais plus côté garçon aussi, de mettre en place aussi un peu mon côté féminin chez moi. D'aller aussi à la découverte de ça, moi je suis curieuse, j'ai envie de voir les deux, tu vois, pas me figer dans un, justement. Et donc je suis contente, je suis allée à bout un peu de... Ouais, même pour me faire passer pour un gars, hein, j'ai été loin, même pour un boulot, quoi. Le patron de la boîte d'intérim où je bossais les pops, tu vois, on était potes, il m'a dit, vas-y, tu peux te faire passer pour un mec. C'était des chantiers super bien payés, tu vois, c'était des trucs, mais à l'époque, les filles... Moi, j'ai fait combien de boulots, je suis arrivé, ils ont vu que j'étais une fille, le matin, le midi, on m'a dit, bon, ben, merci, c'est gentil d'être venu, on n'a plus besoin de vous, quoi. Puis j'ai rien fait parce que c'était trop choc pour eux, quoi. T'imagines, toi, dans les années début 80, une gonzesse qui débarque. En plus, là, je faisais de la mécanique de précision de la ferraille parce que je n'avais pas réussi à rentrer dans la filière du bois. Donc, j'usinais des pièces en acier. T'imagines, toi, une fille, les mecs, ils n'avaient jamais vu ça. J'étais l'homme Gérard. Oh non, on s'éclatait. On s'éclatait beaucoup. Mais on va continuer à s'éclater et on s'éclate encore beaucoup. Bon, les filles, alors, ça pète les bouteilles. Elles ont pété les bouteilles, Non, on est sur les couilles, mais... Les quoi? Hélène nous lit un passage d'un livre sur les cabanes. Et ça, ça s'appelle Nos cabanes, mais c'est un extrait qui parle du collectif. Ah. Mince. Non, c'est beau. Alors, « nous » ne signifie pas les miens, tous ceux qui sont pareils que moi, mais tous ceux qui pourront être le jeu de ce « nous », l'endosser, le reprendre à leur compte, en éprouver la force. Il ne s'agit pas avec « nous » de dire qui je suis, de me déclarer. Il ne s'agit même pas de dire comme qui je suis, mais ce que nous pourrons faire si nous nous nouons. « Nous » ne saurait ouvrir à la question de l'identité, en es-tu, mais à la tâche infinie qui consiste à faire et défaire des collectifs, oui, aussi défaire, des pluriels suffisamment soudés pour qu'ils puissent s'énoncer. Peut-être nous est-il alors quelque chose comme le pluriel de seul. Il ne se fait pas à partir de nos jeux, affirmés ou vacillants, mais à partir de nos solitudes. Il les met en commun, c'est-à-dire qu'il les rassemble, il les surmonte, et en les rassemblant, à certains égards, il les maintient. Nous faisons et défaisons des collectifs avec ces solitudes et non pas malgré elles. Nous ne nouons rien d'autre, et c'est déjà tellement que notre égal tremblement et nos égales potentialités. Oh là là! Merci! Donc, c'est pas de moi, c'est de Marielle Massé. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à nous. Ah ouais! C'est magnifique. Très beau. C'est très touchant. C'est beau. Allez, on boit un coup. Et tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit sur les cabanes aussi, c'est vachement... Je veux lire. C'est hyper bien. J'ai plié plein de pages. Allez, fais péter. Boum. Moi, je vais la lecture. Oh, il y a un trou dans le plafond. Merde. Alors là, pour péter, ça a pété. Bon, ben voilà. Donc, on va vous offrir la blanquette de Limoux, qui est la spécialité locale. Après ça, il y a de la bière et il y a du vin de gentiane aussi. Oui, ouais. Et après ça, il y a le frigo qui est encore éteint. Je te regarde, Do, si tu as envie d'aller rallumer. Parce que comme ça, on peut remettre des bouteilles au frais pour ce soir. Bouteille qui reste de l'année dernière. Et je trouve qu'il a un peu perdu son goût de Mélilo, mais il a un goût de vin. Cool. Tu dis si tu aimes. T'aimes bien? Oui, c'est pour ça. Il y a un côté magique d'être ici ensemble. Oui, c'est un lieu important qui était le lieu de la dragonne. Et je pense que j'ai très fort en moi ce souvenir de la première fois où on est monté ici. Et c'est un espace un peu sécure aussi, oui. Hein. Un peu. C'est en sécurité. Oui. Comme on dit beaucoup de bouchettes. Hein. Parce qu'on est bien entouré, on est caché. Il y a un petit côté un peu secret, un petit côté d'interdit parce qu'on n'a pas le droit. Donc c'est vachement bien de pouvoir faire ça. Et puis c'est un endroit chaleureux parce qu'il y a la chaleur du feu. J'ai essayé de faire une cabane. J'ai marché pour tout Bouchette et j'ai ressenti qu'ici c'était le meilleur endroit en fait. Ah, c'est ici que tu as envie de construire une oui, cabane? Oui, c'est ici. Et j'ai pensé, oh, je le veux faire avec deux étages. Et Dragon était avec deux étages en fait. Bah, un étage. Ah, oui, ok. Avec une terrasse. Deux niveaux, ça veut dire. Deux niveaux, voilà. À deux niveaux. À deux niveaux, exactement. Pour moi, cet endroit est encore plein de mémoires de dragon. C'est une cabane que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et il y avait Tina qui a habité ici aussi. Mais, oh là là, oui, en fait, je suis très fière que je, plutôt contente, ça me fait très contente, plutôt que fière. Mais bon, je suis fière que moi, je suis déjà si longtemps ici et que j'ai tenu toutes ces années toute seule. On devient de plus en plus proche, je trouve, et... Dans ma famille, c'est pas facile tout le temps. Alors, j'ai commencé à m'habiller comme je voulais, de dire des choses que je voulais, d'expliquer ce que je voulais, de les choses que j'ai fait. Et alors, un jour, j'ai annoncé à mon père que je voulais annoncer à ma grande famille, plus loin que ma famille nucléaire, des choses que je faisais. Et mon père m'a dit, mais toujours tu es la langue de serpent, que tu veux provoquer des choses, non? Et je lui ai dit, mais oui, je prends ma provocation. En fait, si vous vous sentez provoqué, c'est pas pour moi, mais pourquoi vous? Parce que vous voulez pas voir, ou parce que vous avez quelque chose dedans que ça bouge. Et ça, c'est pas moi, c'est à vous. Et je me sentis tellement fière de ça, de dire et d'habiter mes provocations et de le prendre, de me le mettre et de le porter, voilà, avec fierté. Et est-ce que là, tu te dis que là, que cette terre, elle va continuer à vivre, à que l'histoire se poursuit? Oui, oui, je pense, et j'espère, beaucoup. Et ça me touchait beaucoup que Mariana, elle avait envoyé des photos des jeunes qui ont peut-être un plan de s'installer là-bas. Et parce que j'ai jamais pensé que c'est possible, qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui vont vivre assez précaire. Et est-ce que tu t'es déjà dit que tu pourrais retourner à Bouchette? Ah, tout le temps. C'est vrai. Oui. Jusqu'à maintenant, quand il y a des grands changements dans ma vie, mes rêves, il y a toujours Bouchette. Je suis toujours à Bouchette et il y a des choses qui... bon, tu comprends. Ouais. Oui, oui. Alors, j'ai quelque chose aussi pour toi, Maggie. Ouais. Alors, je prends dans mon sac... Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh là là! Oh, Mamouti! Parce que c'est fini! Oh, c'est génial! Vraiment, vraiment, vraiment c'est génial! Salle de table aux herbes aromatiques! I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. C'était l'histoire manquante, sortir les lesbiennes du placard. Une terre à soi. Avec Maggie, Chai, Mayana, Céleste, Mutsi, Do, mais aussi Eva, Hélène, Tania, Emmanuel, Charlotte et toutes celles qui sont passées là et ont posé leur pierre à l'édifice de cette utopie lesbienne concrète. Sur le site de France Culture, un entretien avec Françoise Flamand sur les terres pionnières de l'Oregon aux États-Unis. Prise de son, Clémence Bonfils. Mixage, Olivier Dupré. Une série documentaire de Clémence Alzard, réalisée par Somani Na. Thank you. Embarquement immédiat à bord de l'Orient Express avec l'écrivain Mathias Sénard. Il nous invite à un voyage à travers l'Europe et à destination de l'Orient, au cœur de ce train mythique. L'Orient, dans le mot Orient Express, c'est le feu sacré des temples du feu que sont les locomotives à vapeur. L'Orient Express, un rêve d'Europe, un podcast de Mathias Sénard, réalisé par Laure-Hélène Planchet, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.